Soudain, rien ne va plus. Et pourtant, rien ne semble différent. Nous vivons dans une maison que j'aime autant qu'avant. Bien sûr que tu es là. Je peux te demander n'importe quoi. C'est vrai que tu es si gentille et qu'il y a sûrement des femmes qui m'envient. C'est vrai que j'ai tout ça et je ne suis que malheureuse, mais je le suis beaucoup, beaucoup. Des jours vides et des heures creuses, nous en avons beaucoup, beaucoup. Quand on survole ma vie, on la voit claire comme un lac. Moi je la vois comme un théâtre, quand le public est reparti. Je ne suis que malheureuse, mais je le suis beaucoup. En se cachant sous le visage du bonheur. Parfois je me souviens d'un été fou, plein de soleil et d'océan. À part nos rêves, on n'avait rien, mais on ne faisait qu'un. Alors un court instant, je cherche en toi le même homme qu'avant. Mais je ne vois qu'un inconnu et je comprends que quelque chose a disparu. Que tu ne m'aimes plus et je ne suis que malheureuse, mais je le suis beaucoup. Des jours vides et des heures creuses, nous en avons beaucoup, beaucoup. Quand on survole ma vie, on la voit claire comme un lac. Moi, je la vois comme un théâtre, quand le public est reparti. Je ne suis que malheureuse, mais je le suis beaucoup. Sous le visage du bonheur.